la bande aux copains, les cocas, le ciné, le Madison Twist et les petits baisers sur la bouche des fiancés. C'était nos 15 ans, c'était Only You, les boutons, le printemps, les booms du samedi, les civiches à 100 ans, le premier été sans parents. C'était en Vendée, sur ma mobilette, je jouais pour toi la fureur de vivre et je traînais parfois pour te raccompagner chez toi. C'était nos 15 ans, la révolution sans rien faire, en parlant les films interdits au moins de 18 ans, les premiers cheveux dans le vent. C'était nos 15 ans, salut les copains, le lycée, le camping, les dimanches au golf et les photos d'Elvis qu'on collectionnait en rêvant. C'était en Vendée, c'était sous la lune, j'ai joué pour toi les jeux interdits, tu ne connaissais rien, je n'en savais pas plus que toi. C'était bien.